faites chauffer les consoles, démarrez les ordinateurs, Indie 500, c'est parti. Kevin Pédade, bonjour. Et salut. Comment ça va? Ben ça va bien, et toi? Eh ben ça me fait très plaisir de t'accueillir, et je vais effectivement très bien. On parle aujourd'hui de Jumalien, ça rime en plus. C'est sorti le 31 mars dernier, c'est développé et édité par toi-même. Ça coûte 9,99€ et c'est sorti sur Steam et Itch.io, c'est bien ça? Exactement. Parfait, avant de démarrer l'interview, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs et à nos auditrices, même si on va rentrer d'ici quelques instants un petit peu plus, on va dire, profondément dans ton parcours? Je m'appelle Kevin Pédat, je viens d'Angoulême. La journée, je suis game designer dans une boîte qui fait des serious games. Et le soir et les week-ends, je bosse sur mon propre jeu en indépendant. Mm-hmm. En gros, voilà. Et ce jeu, c'est Jumalien, du coup. C'est ça. Qui a démarré son développement en 2017, c'est bien ça? Ouais, ça doit être ça, oui. Et on aura l'occasion d'y revenir. Mais avant de parler de Jumalien, les fameux quatre virages de l'émission, avec ton premier coup de cœur de joueur, lequel est-il? Alors, je pense que le jeu qui m'a le plus marqué, c'était Ape Escape. Sur PlayStation 1. Ok. Tu ne le vois pas, mais il y a eu un gros ouh dans ma tête. Du coup, c'était un jeu où on devait capturer des singes qui s'étaient échappés d'un zoo avec tout plein de gadgets. Un filet à papillon pour capturer des singes, une voiture télécommandée, un petit sabre laser. Mmh. Et j'aimais vraiment, vraiment beaucoup ce jeu quand j'étais enfant. Et je le refais de temps en temps. As-tu joué à Astrobot sur PS5 ou pas? Et si oui, as-tu apprécié ce clin d'œil à Ape Escape? J'aimerais vraiment beaucoup y jouer, mais j'ai pas de PlayStation. Okay. Enfin, pas les récentes en tout cas. Peut-être un jour il sortira sur PC, je suis vraiment pas sûr, mais j'aimerais bien. Ah, ce serait quand même assez audacieux, d'autant qu'il porte énormément de consoles Sony, mais qui sait, hein, Sony ouais. A envie de diversifier ses marchés. C'est peut-être une possibilité. Ouais. Est-ce que Ape Escape, c'est le meilleur jeu auquel tu as joué ou est-ce qu'il y en a d'autres? La nostalgie ferait que peut-être oui, mais non. Je pense que mon jeu préféré de tous les temps... Alors, c'est compliqué, mais je pense que c'est Fez. Ok. Fez, jeu de Phil Fish, un petit jeu de puzzle plateforme, très, très, très malin, très beau, avec une musique de Disaster Piece. C'est un compositeur que j'aime beaucoup. Donc je pense que c'est mon jeu préféré de tous les temps, pour le moment. Qu'est-ce qui t'a marqué dans Fez? C'est l'aspect puzzle, c'est peut-être le gameplay aussi, parce que c'était un jeu de plateforme 2D certes, mais dans lequel on se déplaçait dans un environnement en 4 dimensions. En appuyant sur une touche, on pouvait switcher entre guillemets de dimensions. Qu'est-ce qui t'a marqué dans Fez? Ben, un peu tout. Déjà les graphismes, j'aimais beaucoup l'esthétique que ça avait. Pareil, le gameplay, ce déplacement, ce pouvoir faire tourner la vue de 90 degrés. Et toutes les énigmes, tous les puzzles qui en découlaient. Je trouvais ça très, très, très malin. Et j'ai un petit faible pour les développeurs qui cachent des parties dans leur jeu, derrière des choses introuvables. Alors, la plupart, j'ai été chercher sur Internet pour savoir. Mais c'est ce qui me touche beaucoup quand on cache une grosse partie du jeu à travers des énigmes très compliquées. Mais je crois qu'il y a encore des énigmes qui n'ont jamais été résolues sur Fez, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Encore des... Je sais pas trop exactement. J'ai beaucoup cherché de choses, mais je sais pas à quel point. Tu as fini le jeu? Ouais, j'ai fini le jeu en m'aidant pas mal d'internet, ouais, évidemment. Mais j'ai fini le jeu, ouais. Le moment qui a défini ta volonté de travailler dans le jeu vidéo, lequel est-il? Alors, ça fait très longtemps que je veux travailler dans le jeu vidéo, mais sans trop savoir où. Et en gros, je pense que c'est le jeu The Witness qui m'a donné envie de devenir game designer. Pareil, jeu de puzzle, un peu complexe, mais avec, enfin, où le jeu nous guide très bien dans l'apprentissage de ces puzzles, de comment les résoudre. Et surtout, j'ai eu des moments d'épiphanie assez intenses qui m'ont fait me dire que waouh, j'aimerais bien pouvoir créer des jeux comme ça et faire vivre ces choses à des gens. Du coup, voilà, je pense, je me suis dit, game designer, ça peut être pas mal. Eh ben, transition toute trouvée pour la dernière question des quatre virages. Est-ce que c'est le jeu qui t'inspire le plus en tant que développeur, ce fameux The Witness, même si Jumalien quand même est très très éloigné conceptuellement de The Witness? Alors, ça a pu l'être. J'ai un peu changé depuis et j'ai aussi pas mal changé depuis le début du Malien. Mais là, en ce moment, les jeux qui m'inspirent le plus, ce sont les jeux genre très entiers, qui ont une narration qui va au service du gameplay, une esthétique au service du gameplay. Et je pense par exemple au jeu de Deconstructim, The Restring Club ou Cosmic Whale Sisterhood, qui sont très beaux, très malins, très touchants. Ou même les jeux c'est un de mes studios préférés de Supergiant Games. Alors j'aime beaucoup Hades, mais plutôt les premiers qui ont une histoire qui, enfin, des jeux solo assez courts. Et mon préféré, c'est Transistor. Mais comme pas ailleurs. Et tous ces jeux, c'est, je pense, en ce moment, en tout cas, dans ma vie, qui m'inspirent le plus. Et j'ai envie d'aller vers quelque chose comme ça. Eh bien, on termine ces quatre virages ici pour rentrer un petit peu plus dans, on va dire, les coulisses de la création de Jumalien. Mais avant de parler de Jumalien, j'ai envie que tu parles de Seven Shapes School. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, étant donné que c'est français. C'est exactement Qu'est-ce que comme c'est ça. donc? Et est-ce que c'est, on va dire, un travail? Alors, tu en as fait plusieurs, hein, tu as fait des nombreux stages, tu es diplômé d'un master, on aura l'occasion d'y revenir. Est-ce que c'est, on va dire, l'expérience qui t'a aidé le plus pour la création de Jumalien? Alors tout d'abord, la Seven Shapes School, ouais, c'est un serious game pour apprendre on va dire, des méthodes d'organisation de chaînes de production. Ça m'a énormément aidé déjà pour apprendre à organiser des jeux, et aussi ça m'a beaucoup aidé pour mon jeu personnel. Comme sur mon jeu personnel, je fais pas mal de tâches, j'ai beaucoup de bonnes méthodes qui sont venues de mon travail à Seven Shapes. Donc ça m'a plutôt globalement ça m'a bien aidé. Ça m'a bien aidé pour appréhender la création de jeux vidéo. Appréhender la création, appréhender peut-être aussi, on va dire, aider à appréhender cette organisation, puisque c'est un serious game qui parle d'organisation. Indirectement, oui, certainement. J'ai par exemple découvert le magnifique outil qui est Trello pour organiser des petites tâches. Du coup, toute mon organisation, tout mon debug, comme je suis quasiment que en solo sur mon jeu, j'ai pas besoin d'avoir une super organisation tant que je la connais. Donc mon Trello contient tout ce que je dois faire, tout ce qui a été fait. Donc ouais, ça m'a plutôt bien aidé à gérer tout ce qu'il y avait à faire. Alors, Jumalien démarre en 2017 sa production, mais en réalité, c'est un petit peu plus tôt parce que tu as fait un mémoire sur Jumalien. Et ça, c'est assez incroyable de faire un mémoire sur un jeu qui n'est pas sorti, qui est conceptualisé. Comment tu en es arrivé à développer ce mémoire et pourquoi tu t'es dit, ok, j'ai envie d'en faire maintenant un jeu? Alors, en gros, tout a commencé la première année de mon master création numérique, où on devait créer. Alors, c'était un master très orienté art contemporain. Et dans ce master, on devait créer un projet pour appuyer notre thème du mémoire. Et moi, je voulais depuis longtemps faire. J'aimais beaucoup les. Enfin, j'aime toujours, mais j'aime beaucoup les roguelites. J'aime beaucoup les mythologies. Bah, j'aimerais bien faire un roguelite mythologique. Donc, lors de ma première année de master, j'ai commencé à faire un roguelite mythologique pour du coup étudier le level design dans les roguelites. Mais j'ai rencontré quelques soucis avec mes professeurs qui considéraient pas trop le jeu vidéo comme de l'art, encore moins de l'art contemporain. Et j'ai essayé après, enfin, j'ai essayé plusieurs fois de faire passer ça, d'orienter un peu le sujet. Et du coup, j'ai pas réussi. Donc j'ai transformé mon roguelike mythologique en une expérience un peu plus conceptuelle, un peu plus enfin, contemporaine, on va dire, pour un sujet de recherche. Du coup, j'ai fini mes études et j'avais quand même une frustration sur, ah, le jeu là que j'avais commencé à faire et que j'aimerais vraiment vraiment le continuer. Ben allez, maintenant faut le continuer, faut reprendre la partie mythologique, faut reprendre la partie roguelite, et ensuite ça a switché au fur et à mesure. Parce que mon jeu est un jeu multijoueur qui n'est pas du tout un jeu solo, alors qu'à la base il l'était. En gros, j'avais commencé à créer toute la partie solo avec une génération de cartes procédurales, avec de nouvelles parties, plein d'items. Et j'en avais marre de le faire tester à mes amis un par un. Du coup, je me suis dit, je vais créer un mode multijoueur juste pour que je puisse faire tester plus de personnes, que ce soit plus sympa. Et les gens commençaient à bien s'amuser dessus. Du coup, j'ai commencé à développer les deux en parallèle, le solo, le multi. Ok. Et en tant que développeur indé, enfin, en tout cas à mon niveau, c'est très compliqué de faire cohabiter deux modes. Du coup, j'ai coupé le mode solo pour que ça en devienne un multijoueur. Alors, il reste quand même il reste beaucoup d'éléments de roguelite, mais il n'y a plus le mode solo. Outre justement ce changement de paradigme, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en 8 ans? Tu parles de l'aspect mythologique, est-ce que c'est quelque chose qui a été renforcé, quelque chose qui a été quelque peu effacé? Est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui ont été pensés pour le jeu? Alors, l'aspect mythologique, en gros, il n'a pas changé. C'est juste qu'à la base, dans le jeu solo, on incarnait un petit avatar qui allait devenir, enfin, au fur et à mesure de la partie, allait se spécialiser dans une mythologie. Ok. Maintenant, c'est vraiment, il y a les quatre mythologies et chaque joueur peut incarner un des dieux. Donc, ça s'est, on va dire, plus concentré sur certaines divinités plutôt qu'être plus large qu'avant, mais au moins c'est plus focus. Et ça c'est forcément avec le temps, ça s'est plus affiné. Et j'ai aussi, forcément j'ai un seul mode, ça ne suffisait pas, du coup j'ai créé un second mode, un mode de draft où c'est pas mal tiré, j'aime bien les jeux de cartes. Et c'est un mode où on enchaîne les parties, et entre chaque partie on choisit un objet pour améliorer son équipement et construire au fur et à mesure une espèce de build qui pourrait qu'on pourrait jouer pour être plus fort ou pas si on gère mal son équipement. Parlais il y a quelques instants du fait que tu étais développeur solo, mais il y a quand même eu des personnes qui sont intervenues dans le développement. Qui sont ces personnes et dans quelle partie du développement elles sont intervenues? Il y a deux personnes qui sont intervenues, alors principalement, sans qui le jeu serait beaucoup moins bien. C'est deux amis. Donc, tout d'abord, c'est Emmanuel Daudet, qui est un graphiste. Lui, en gros, il a fait toute l'interface et toutes les illustrations. Moi, je me suis occupé de la partie pixel art, qui est la zone de jeu. Et lui, il a fait tout le reste. Donc, les menus, les illustrations, ce qui rend le jeu encore plus beau et encore plus agréable. La seconde personne, c'est Noé Ouran, qui est du coup un musicien et qui s'est occupé de faire les musiques, le sound design, et qui donne un petit effet punchy du coup au jeu avec tous les feedbacks sonores et la musique que j'adore. On va rentrer un peu plus dans le concept de Jumalien. Quel est le concept? Tu en parlais, on va dire, très rapidement il y a quelques instants. Et quelles sont les inspirations de Jumalien? Moi, j'ai vu un peu de Moonhunters. Je ne sais pas si tu connais le jeu dans Jumalien. Est-ce qu'il y a d'autres inspirations? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Alors, de ce que je m'en souviens, tu as raison, mais il est dans ma liste de souhaits depuis des années et des années. Mais il m'intéressait vraiment beaucoup. Il est sympa. Parce que Ouais. j'ai l'occasion d'y jouer, il est sympa. Bon, peut-être je le remonterai alors dans ma liste de souhaits. Mais alors, en gros, c'est un hack and slash. Déjà de base, on a des attaques au corps à corps. On a des dashs qui nous permettent de devenir invincibles pendant quelques temps et de se déplacer plus vite. Et on a des attaques à distance. Ça, ce sont les trois mécaniques très basiques du jeu. Et il y a d'autres mécaniques un peu plus avancées qui sont qu'on peut renvoyer les attaques au corps à corps. Enfin, on peut renvoyer les attaques à distance avec notre attaque au corps à corps. On peut dasher dans les projectiles pour regagner de la stamina pour pouvoir dasher encore plus. Il y a plein de petites mécaniques un peu avancées. Et ça, notamment, ça vient d'une de mes inspirations majeures du coup pour les jeux multijoueurs, c'est Towerfall Ascension, qui a une mécanique très simple de on tire à l'arc et on peut dasher. Mais il y a d'autres mécaniques un peu plus avancées et un peu plus compliquées à maîtriser, qui lorsqu'on joue contre des personnes qui connaissent, on est là, waouh, attends, on peut faire ça? Ben, j'ai essayé de reproduire ça dans mon jeu avec, par exemple, les renvois au corps à corps. Dès que quelqu'un découvre ça, il est là, waouh, waouh, waouh. Ah ben attends, je vais essayer ça tout de suite. Donc ça, c'est pour le fonctionnement de base du jeu. Comme je disais, j'ai deux modes. Donc un mode où juste on s'affronte et on récupère des équipements. Et j'ai un autre mode qui est mon mode principal, mon mode roguelite, qui je pense est la feature un peu exceptionnelle du jeu. C'est, en gros, on a 5 minutes pour... à plusieurs pendant 5 minutes sur une même grande map générée procéduralement. Et on doit taper des monstres, récupérer de l'argent, acheter des objets chez le vendeur, pour se préparer pour une bataille finale qui arrive au bout de 5 minutes, dans laquelle on va affronter tous les autres joueurs avec les équipements qu'ils ont réussi à récupérer. Sauf que on est sur la même grande map. Du coup, au lieu d'aller taper les monstres, d'aller chercher les vendeurs, on peut juste ruiner la partie des autres. Et comme c'est du multi-local, on peut regarder sur leur écran où ils sont. Voilà, ça c'est pour les gameplays. Donc pour les inspirations multi, je disais, il y avait Towerfall. Pour les inspirations mythologiques, forcément, pas mal de Hades pour le côté roguelite mythologique. Aussi, pas mal de Smite. J'ai beaucoup joué à Smite, qui est un MOBA avec des divinités. Et j'adorais du coup incarner toutes ces divinités. Le côté projectile vient de The Binding of Isaac, que j'aimais beaucoup, beaucoup ce roguelite. Voilà pour mes principales inspirations, en tout cas. Et on va continuer dans les inspirations, parce que, comme tu l'as dit, tu incarnes une divinité dans Jumalien, parmi quatre divinités, je crois. Est-ce qu'il y a eu un travail de recherche approfondi sur, justement, ces divinités, mais aussi les objets, puisque les objets viennent aussi de différentes mythologies? Est-ce que ton stage au SEMK, on en parlait il y a quelques minutes, donc le Centre d'études mexicaine et méso-américaine, t'a-t-il aidé justement pour approfondir tes connaissances? Alors, je suis pas sûr que ça m'ait aidé à approfondir mes connaissances. Par contre, ça m'a apporté la connaissance, ça m'a donné un goût pour la mythologie maya, parce que j'ai vu pas mal de musées et donc de figures mythologiques. Je pense, comme pas mal de gens, à la base, j'étais plutôt mythologie égyptienne, grecque, parce que c'est les plus proches, celles qu'on connaît le mieux. Mais ce voyage au Mexique, du coup, m'a apporté ce côté-là de la mythologie que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Voilà pour les Mayas. Après, il y a eu une grosse recherche pour les objets. J'ai un peu plus de 150 objets, tous venant des mythologies. Et j'ai arpenté les pages Wikipédia, les livres. J'ai acheté plein de livres sur la mythologie. Alors c'était un peu le petit bonus de c'est pour le jeu, c'est pour le travail. Je vais acheter plein de livres sur la mythologie. Donc j'ai beaucoup lu, beaucoup de choses comme ça pour trouver des objets intéressants, pour essayer d'adapter les pouvoirs aux objets, à ce qu'ils font dans les différentes mythologies. Et pour les personnages, effectivement, il y a eu une recherche, mais c'était plus ce qui esthétiquement ou dans leurs principes me plaisait le plus. Je me suis dit, j'aime bien Ra, j'aime beaucoup Freya. Artemis aussi, elle est un peu vénère, j'aime bien. Vas-y, je vais les faire, je vais essayer de les dessiner. Ça passe, vas-y, ce sera mes persos. On revient sur la première phase, justement, de ton mode principal, où il y a un espèce de build-up qui va mener au combat final. Comment tu l'as mis en place, ce build-up? Et 5 minutes, est-ce trop? Est-ce le bon temps? Ou est-ce que c'est pas assez suffisant, justement, pour que les gens puissent, on va dire, devenir plus forts et par la suite s'affronter dans le combat final? Cette première partie, ça vient du mode roguelite. C'était vraiment ma carte générée procéduralement, avec, comme dans tous les roguelites, des magasins pour acheter des items, des petits événements pour dynamiser un peu la partie. Du coup, ça vient du mode roguelite. J'ai ajouté pas mal de contenu quand même pour favoriser l'affrontement, parce que maintenant que c'est un jeu multijoueur, il faut quand même forcer les joueurs à aller se taper, sinon à quoi bon les mettre sur la même carte? Du coup, j'ai créé plusieurs divinités ou événements qui, par exemple, on peut parler à une divinité qui va nous dire je peux aller voler un PV à tel joueur, sauf que quand tu vas faire ça, la divinité va montrer à l'autre joueur ta position sur la carte, et donc là l'autre joueur va pouvoir venir te chasser et donc encourager le combat. Pareil, il y a des quêtes qui pop une par partie qui dit, par exemple, le premier joueur qui tuera un autre joueur gagnera un objet. Donc là, tout de suite, c'est très rewardant d'aller chercher le combat, alors au risque de se faire tuer soi-même. Et pour les durées de partie, alors là, j'ai dit 5 minutes, parce que c'est une moyenne, mais j'ai plusieurs modes de jeu qui dépendent surtout du nombre de joueurs. Comme on peut jouer de 2 à 4, en gros, c'est... À 2, c'est 4 minutes sur une petite map, et à 4, c'est 6 minutes sur une grande map. Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est trop? A priori, maintenant, là, après de nombreux tests, au bout de 7 ans, j'ai eu le temps de faire beaucoup, beaucoup de tests. Il s'est avéré que, ben voilà, entre 4 et 6 minutes, c'est largement suffisant. Par exemple, les nouveaux joueurs, au bout des 5 minutes, ils vont avoir 2-3 objets. Et une fois qu'on connaît un peu le jeu, qu'on a bien joué, on peut arriver à finir la partie et aller à la bataille finale avec une douzaine d'objets. Parce qu'on sait comment ça fonctionne, on connaît les monstres, donc on se fait moins tuer, on récupère plus d'argent, on sait mieux comment fonctionnent les magasins, tout ça. Donc non, je pense que c'est la bonne durée. Mais moi, je voulais tout d'abord parler de l'UI. Comment justement t'es venue cette idée de l'UI et quels ont été les défis pour justement l'implémenter en même temps qu'on ait la carte des différentes personnes? Ça a dû être quand même assez compliqué d'avoir quelque chose de lisible. Ça vient tout bonnement de mon mode solo. Pour le transformer en multijoueur, ben juste je duplique le même écran en 4. Pareil, à la base, très inspiré de Isaac, l'écran est carré. L'écran de jeu où l'on se balade est carré et l'interface est autour. Du coup, ça, c'était une des contraintes que, ben, pendant 2-3 ans, j'ai construit mon jeu autour de ça. Le changer aurait été compliqué. Du coup, je me suis arrangé pour que ça fonctionne comme ça. Pendant très longtemps, l'écran de jeu était plus petit et ça fonctionnait bien quand on était sur un grand écran, à plusieurs. Par contre, je sais pas, quelqu'un qui joue sur un ordi portable avec un ami, tout de suite, ça faisait très petit. Du coup, j'ai un peu grossi tous les monstres, le joueur, les environnements. Voilà, c'est encore un peu un souci sur les petits écrans. C'est mieux, mais c'est encore un peu un souci. C'était, on va dire, trop tard pour pouvoir changer ça. Et je me dis que j'ai pas mal joué à Mario Kart sur des petits écrans A4 et ça déglingue les yeux. Du coup, je me dis, bof, ça peut passer. Bof, je paierai l'opticien au pire. C'est... voilà, c'est ça. Une dernière question donc sur le multijoueur local. Pourquoi être parti sur du multijoueur local? On a des jeux qui font à la fois du local et du mode en ligne. Et puis, plus généralement, dans Indie 500, mais aussi dans la production vidéoludique globale, est-ce que tu constates qu'il y a un regain d'intérêt pour ce multijoueur local? Et pourquoi il y a un regain d'intérêt, selon toi, pour le multijoueur local? Alors tout d'abord, c'est local parce que c'était pour faire tester à mes amis. Et après, et aussi parce que moi, c'est un peu les soirées que je fais avec mes amis. On se pose sur le canapé, on joue à des jeux, à Towerfall, à Smash Bros, à Boomerang Fu. Des jeux qui permettent de s'amuser là tous ensemble. Il y a aussi, je suis pas très quelqu'un du multijoueur en ligne. Du coup, c'est vraiment mon truc, en gros, le multijoueur local. Malheureusement, il est que local parce que je suis pas un dev de nature et j'ai un peu regardé, ça me semble compliqué de faire du réseau, d'autant plus quand ça fait j'ai commencé à regarder ça après 50 devs et on va dire qu'il y avait 70% du jeu, enfin réadapter le jeu pour que ce soit possible en réseau, en ligne, avec des serveurs et tout, c'était trop. Surtout que c'est mon premier jeu en solo, je me suis dit, reste dans un scope, un petit scope. Bien délimité, ouais. Ouais, te perds pas, ce serait beaucoup mieux, mais te perds pas à aller faire du réseau pendant 6 mois et tout. Bon. Non, non, non. Et puis surtout que c'est pas la meilleure solution, mais il y a le Steam Remote Play qui fonctionne. Si on a une bonne connexion, ça fonctionne plutôt bien. Du coup, je me dis, s'il y a des gens qui veulent y jouer en réseau, ils pourront faire ça. Je pense que c'est pas étonnant si y a un regain pour ce genre de mode de jeu, parce que c'est quand même plus marrant de jouer à plusieurs ensemble, et d'autant plus quand il faut s'insulter sur des jeux où c'est du versus. C'est, ma foi, une bonne réponse. La suite, Kevin, laquelle est-elle? Est-ce que tu vas poursuivre Jumalien avec des mises à jour, peut-être l'ajout de nouvelles divinités, ou est-ce que tu planches déjà sur un autre projet? Alors c'était un peu un plan à un moment. Je me disais, si jamais ça fonctionne, je vais rajouter des petits DLC pour avoir des skins alternatives de divinités, ou des packs de nouvelles mythologies. Mais là, ça va faire 7 ans. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce jeu, mais il faut passer à autre chose quand même. Et du coup, ouais, j'ai déjà mon. Ça fait une petite année que je planche déjà sur une suite, enfin sur une suite, sur un autre jeu. Alors, j'y vais mollo. Je note des petites choses par-ci par-là, mais je voulais pas trop me lancer dedans pour pas perdre l'envie de finir Jumalien, parce qu'il faut finir les choses, il faut finir les jeux. Et du coup, j'étais là, non, non. Mets-le de côté, note des petits trucs. Mais en tout cas, ouais, le prochain jeu, ben, un peu comme je disais tout, enfin comme je disais tout à l'heure, maintenant j'aspire un peu plus à faire des jeux qui provoquent des émotions autre que la colère parce que notre pote nous a tués avec son Artemis. Mais là, j'aimerais bien faire quelque chose de plus narratif, qui raconte quelque chose. Et aussi, pour le moment en tout cas, j'aimerais bien faire des jeux qui ne passent plus par la violence, quelle que soit la manière de le faire, mais ne pas taper, ne pas tuer, ne pas. Donc si je Donc comprends voilà. bien, on joue à Jumalien et après on joue à ton nouveau jeu pour entre guillemets faire la paix avec la personne avec qui tu t'es engueulé, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça. La dernière question, ce sera ta recommandation ou tes recommandations, Kevin, un jeu que tu attends, un jeu qui est fait par des copains, un jeu qui est pas très connu et qui mérite qu'on parle de lui. La parole à toi. Alors, j'en ai deux. Donc, tout d'abord, c'est je pense, mon jeu préf de l'année dernière, c'est Sorry We Are Closed. C'est un survival horror qui parle d'amour. En gros, il y a des phases de survival horror où on tire sur des ennemis un peu moches. Et entre ces phases, on va gérer diverses relations entre des anges, des démons, et un peu aiguiller les personnes suivant le type de relation. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. La musique est fantastique. Il y a des musiques d'ambiance un peu bizarres pendant les phases de survival horror, et dès qu'il y a un boss, c'est du rap. Il sort, je sais pas d'où, mais trop trop bien. J'écoute toujours la BO, même 3 mois après. Trop bien. Vraiment, c'est un petit jeu. Ça dure une dizaine d'heures. Très touchant, très très intéressant. Je pense que c'était mon jeu préféré de l'année dernière. Donc, Sorry, we are closed. Et quel est le second? Et le second, c'est Abyssal Wrath. C'est un ami d'Angoulême qui le fait. C'est un top-down shooter. En gros, c'est un peu en noir et blanc avec le sang en rouge et plein d'effets en rouge qui ressortent bien, c'est très dynamique, les musiques Très sont très sinistique, donc. rythmées. Ouais. Les musiques sont très rythmées, le gameplay est très très rythmé. Il y a un mode pour les tryharders, enfin il y a une manière de jouer pour les tryharders et pour les speedrunners qui fait que au début on peut galérer un peu, mais si on y met du sien, après on enchaîne le niveau à une vitesse folle. Enfin, très très bien. Il n'est pas encore sorti, mais il y a la démo qui est sur Steam. Il bosse toujours dessus et trop trop bien. Voilà les recommandations de Kevin Pédate. Merci beaucoup Kevin d'être venu dans Indie 500 pour nous parler de Jumalien. Ben, As-tu merci un de m'avoir dernier mot? invité. Faites des jeux. Jouez à des jeux, mais faites des jeux. C'est très très bien de faire des jeux. Et ton jeu justement, c'est Jumalien. Il est sorti le 31 mars. 9,99€. C'est sur Steam. C'est sur itch.io. Tu en es le développeur et l'éditeur. Allez C'est checker ça. ça si jamais cela vous intéresse. Et nous, chers auditeurs et chères auditrices, eh ben c'est la fin de cet épisode d'Indie 500. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir écouté. Vous pouvez retrouver les précédents, évidemment, en streaming sur toutes les plateformes, sur YouTube aussi. Si vous voulez soutenir l'émission, il y a un Patreon dans la description. N'hésitez donc pas à aller soutenir la chaîne. N'hésitez donc pas également à aller soutenir les développeurs en wishlistant leurs jeux. Et rendez-vous très bientôt pour un nouveau tour de piste.